Bon, je sais, t'as pas reconnu le style. Mais t'inquiète, dans l'album, il y aura des morceaux normaux. Je voulais juste montrer que c'était facile de rapper sur ce genre de prod. T'es prêt? Hein? Go? Dans les clips, ils font les beaux. Faux billets, fausses cartes de retrait. Grâce à Dieu, je suis plus à 1000 euros près. Je suis pas de riment et ou presque pas. Beaucoup devant moi, je presse le pas. Ah. Traction bombe, je rappe, on me dit mes tracks sont bons. J'aime quand les pétasses sont blondes, j'drag 007 pas son bond. Rien à foutre du style où est-ce qu'il habite, tant que les rimes sont multisyllabiques. Passe-moi un stylo big beat, j'ai pas de concurrence que des rivaux fictifs. Je veux l'impressionner, je parle de flow, elle m'écoute pas, les yeux rivés sur ma hublot. J'fais le Qatari pour que les bim bom sus. T'es comme Cavani, tu tires au-dessus.